RH aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Électro-jazz, électro-rock, électro que ta neurone musicale avec une autre délicieuse production Menum. Électro-jazz avec CLH. Électro-rock avec Ultra Festen. Samedi 13 décembre, 22h pour 10$. 228 rue Saint-Joseph-Est, 418-948-8648. Vous écoutez CKRL, radio culturelle, 89,1. Bonsoir et bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est avec vous. Cette semaine, une émission assez éclectique, merci, vous allez voir, il y a un peu de tout. On débute avec un Parisien du nom de Gneb qui va lancer son album à partir de demain en magasin en France et en ligne pour le reste de la planète. Donc son album s'appelle « Tout n'est pas rose ». Je vous fais passer trois pièces, on va débuter avec « Hilary ». Ça va être suivi par Yasmina et enfin, on va entendre La vie de Rose. Donc, Gneb à Web Music. It's a sunny day, but you don't care, 'cause I wanna stay in bed in my car. It's a funny day, but you don't care, I'm gonna stay in my bed, doing nothing. Baby, we're going for a walk. Oh, shit. I don't want. I don't want. Why so lazy? I'm so lazy. You don't want. I don't want. mon âme à la jalousie. Jamais je n'aurai de cesse de t'aimer. Idylle désert, idylle désert, merci pour sauver. Idylle désert, idylle désert, merci pour sauver. Si j'avais su que j'allais regretter nos dialogues, vivre l'avenir en faisant le poids des ratés. C'était La vie de Rose, précédé par Yasmina, et on avait débuté avec Hilary, trois pièces qui se retrouvent sur l'album Tout n'est pas rose du Parisien Gneb, donc qui lance son album le 8 décembre en France et partout ailleurs en ligne. Donc c'est un album que je vous recommande chaudement, c'est très varié comme son, donc courez-y, allez acheter l'album, ça vaut vraiment la peine. On se déplace de la France vers la Russie avec l'étiquette Netalabel, une étiquette qui donne dans le rock, grunge, musique indie, etc. Donc, je vous fais passer des groupes qui viennent de la Russie. Le premier groupe vient de Saint-Pétersbourg, qui s'appelle The Glue. Je vous fais entendre la pièce Laurel. Ensuite de ça, c'est Hangover avec la pièce Sidorov. Puis ensuite, une pièce un peu plus tranquille d'un groupe qui s'appelle Aviation. Je vous fais passer la pièce Another Way to Think. Puis enfin, on va entendre Kurt Vonnegut. Et non, ce n'est pas l'auteur de roman, c'est un groupe russe. Donc, je vous fais entendre leur pièce Bullet of Liberty. Vous écoutez Web Music sur les ondes de CKRL. We'll be right back.

Russe, c'était Kurt Vonnegut avec la pièce Bullet of Liberty. Avant ça, c'était Aviation avec la pièce Another Way to Think. Puis un groupe de Moscou, Hangover, la pièce Sidorov. Puis on avait débuté ce bloc russe avec The Glue, la pièce Laurel. Donc, tous des artistes qui sont sur l'étiquette russe Netalable. On fait une courte pause, puis on revient à Web Music. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval, disponible gratuitement tous les mardis. Vous aimez la radio culturelle? De la culture, notre carte de membre en est pleine. Des rabais de 4$ au Théâtre Périscope, de 3$ au Théâtre de la Bordée. 10% de rabais chez Sillon le Disquaire et à la librairie Pantoute, de 15% de rabais au Théâtre Le Trident. La culture n'aura jamais été aussi accessible en devenant membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement $25 pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement $10. De retour à Web Music, c'est toujours Simon Roy qui est avec vous, encore pour une petite demi-heure. Donc, je vous rappelle que la plupart des pièces que vous entendez à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, ben, vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission, qui est au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est vraiment une bonne ressource pour de la musique gratuite. Puis, l'émission est disponible aussi en balado-diffusion. Donc, si vous manquez des petits bouts, ben, c'est possible d'aller voir sur le site le lendemain, puis vous avez accès à l'émission. On poursuit avec une étiquette qui nous vient de la Colombie-Britannique. L'étiquette s'appelle The Paper Mill Records. une étiquette qui a lancé une compilation vraiment intéressante. Je crois que c'était dans les environs de l'Halloween. La compilation s'appelle The Box. C'est une compilation triple. Puis c'est rempli d'artistes vraiment, mais vraiment différents. C'est très éclectique comme compilation. J'adore cette compilation. C'est mon coup de cœur de la semaine. Donc, je vais vous faire entendre quatre pièces. Je vais débuter par un Allemand qui s'appelle Le Rock. Je vous fais passer Le Rock Files. Ensuite de ça, un groupe des États-Unis. C'est Hypno Tuba. J'aime bien ce nom. La pièce s'appelle Beat Curiosity. Ensuite de ça, de l'Allemagne, on va entendre Sondenkind, la pièce Coming of Rage of Space Maiden. Donc, on dirait une espèce de trame sonore de film de science-fiction de série B. Vous allez voir, c'est assez drôle. Puis enfin, un groupe montréalais qui s'appelle Chavora, qui nous interprète une pièce de la trame sonore du jeu Super Mario World façon manouche. Donc, on entend la pièce Sweet Buns of Mine. Pour tout de suite, on entend le rock avec le Rockford Flies. Thank you. C'était le groupe Shavora, un groupe de Montréal qui se retrouve sur une compilation de l'étiquette de Papermill Records. Donc, les pièces avant ça, c'était Soddenkin de l'Allemagne avec sa pièce Coming of Rage of Space Maiden. Donc, ça ressemblait un peu à une trame sonore de film de science-fiction de série B. Avant ça, c'était Hypnotuba des États-Unis avec la pièce Beat Curiosity. Puis enfin, on avait débuté ce court bloc avec Le Rock, un artiste allemand, avec sa pièce Le Rockford Files. Donc, ces quatre pièces-là se retrouvent sur la compilation The Box, comme je vous disais, sur l'étiquette qui vient de la Colombie-Britannique, qui s'appelle The Peppermill Records. Vous écoutez toujours l'émission Web Music. On va poursuivre avec deux pièces, plutôt trois pièces, qui sont sur l'étiquette Headphonica. On va débuter avec Phonotrash, un groupe de la Slovénie. Je vous fais entendre deux pièces. On va entendre Pile of Trash. Ça va être suivi par Relax and Go. Donc, deux pièces qui sont sur l'album éponyme Phonotrash. Ensuite de ça, ça va être Das Rote Telefon. Je vous fais entendre la pièce Dein Problem. Donc, on débute avec Phonotrash.